l'Asie. Chez les Indiens civilisés, la population est divisée en plusieurs classes. Les uns cultivent la terre, d'autres sont militaires, d'autres exportent leurs produits et importent des produits étrangers. Les meilleurs et les plus riches administrent la chose publique, rendent la justice et sont les conseillers des rois. Ceux de la cinquième classe, adonnés à une sagesse honorée en ce pays et presque tournés en religion, finissent toujours leur vie par une mort volontaire sur un bûcher qu'ils ont allumé eux-mêmes. Il faut y ajouter une dernière classe à demi-sauvage, assujettie à un labeur infini dont sont dispensées les précédentes, chasser et dompter les éléphants. C'est avec ces animaux qu'on laboure et qu'on voyage. On ne connaît guère d'autres bétail. Avec eux, on fait la guerre et on défend le pays. On les choisit pour les combats, d'après leur force, leur âge et leur taille.